Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. En ce moment de réflexion avec Alex, ça faisait bien longtemps qu'on s'était pas fait une transition en live entre le Fluky Mix et El Banger. Voilà, tout le monde va bien, tout le monde est présent derrière le micro. Une nouvelle émission, donc voilà, deux heures ensemble avec deux focus ce soir et des petites nouveautés en veux-tu en voilà qui vont faire mal aux gencives. Sick Nerves pour la France, Rebellion pour le Brésil et quelques autres... petite joyeuseté du genre. On démarre d'ailleurs avec le protège-dents bien accroché, Dying Fetus, les bûcherons américains qui nous sortent un énième sans faute. Cet album de Dying Fetus, est juste encore une fois absolument parfait. Cet équilibre absolument magique entre violence, groove, du brutal death à mosh part comme on adore. Make Them Beg for Death, toujours de la poésie au rendez-vous des sorties studio de Dying Fetus, bientôt 30 ans de carrière. Marduk, eux par contre les 30 ans ils les ont, ça nous vient de Suède, c'est toujours du black metal, pareil. Savoureusement équilibré entre violence et mélodie. Memento Mori, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Tout ça, c'est déjà disponible. Fist of Ashes, le titre de Dying Fetus pour ouvrir l'émission de ce soir. Red Tree of Blood, le titre de Marduk. C'est parti, bienvenue à toutes et à tous. We'll be right back. On enchaîne, doublette suivante, Freya, Biocancer, Freya tout d'abord, nouvel effort studio, c'est le 6e album qui sort là, Fight As One. Freya, c'est pas tout jeune, ça n'avait rien sorti depuis quelques années, et Freya, pour tout vous dire, c'est le projet parallèle de monsieur Karl Böschner, qui n'est autre le gueulard et bassiste, etc., de Earth Crisis. Donc voilà, un groupe déjà bien installé dans la scène, avec une activité très inégale, mais voilà, qui nous sort un metalcore américain bien old school, bien colère. Et en doublette, on retrouvera Biocancer, le groupe de trash un peu técouille, un peu agressif, qui nous vient de Grèce. Revengeance, c'est le nom de ce nouvel effort studio. C'est bien efficace, Biocancer, et puis voilà, ça reste quand même pas mal agressif aussi. Bludgeoning, Skull Crushing, Mayhem, True Heavy Metal, Name of the Song. Freya, le titre sobrement titulé Odin. Voilà, et ça sent le viking tout ça. Hein. Bien agacé, le criard de Biocancer. On enchaîne avec, à la 21h22, à la pendule de Radio Béton. On vient de s'éclater tranquillement deux petites doublettes. On passe maintenant à l'accueil de l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Et bonsoir à toutes et à tous. Un premier focus qui nous emmène directement au Québec, plus précisément à Montréal, pour aller observer du métal noir venu du Québec. Miserere Luminis, qui nous sortent là leur deuxième album, un groupe formé en 2008. C'est un groupe qui s'est formé donc, avec les membres Icar et Neptune, qui sont les membres fondateurs du groupe Gris. Gris qui a notamment sorti un album épique et sans aucun doute un des chefs-d'œuvre du métal noir qui s'appelle Il était une forêt. Allez oui. Écouter cet album, j'en profite pour faire de la pub, c'est énorme. Et à côté d'eux, Anatar de Sombre Forêt. Un autre projet qui est extrêmement qualitatif, venu du Québec, et j'en profite également pour vous conseiller un album, allez écouter Quintessence de ce groupe, c'est aussi un album, un petit chef-d'œuvre. Et donc Miserere Luminis, ils nous ont sorti en 2009 une petite pépite également de Black Atmo, qui était à la frontière du DSBM, c'était un album éponyme, donc Miserere Luminis. Quelque chose d'oppressant, quelque chose de terriblement glacial. Et ils ont fait une pause dans la composition. Le groupe n'a pas fondamentalement split, mais parce qu'ils ont tourné pas mal. Mais ils ont fait une pause pendant 14 ans pour nous sortir ce nouvel album qui s'appelle Ordalie. Sans surprise, on retrouve une signature chez Sepulchral Productions. Alors Sepulchral, c'est le label québécois actuellement. C'est le label de métal noir québécois. Il a été créé par Mirkal, le chanteur de Frozen Shadows. C'est clairement un gage de qualité. C'est pour moi le meilleur label de la région en termes de black metal. De métal noir. De métal noir, tout à fait, pardon. Soyons sérieux. Pardon. En tout cas, voilà, une signature sans surprise sur un label qualitatif et qui correspond complètement à ce que fait le groupe. L'album, il est accompagné d'une pochette que je trouve assez classe, qui est un petit peu entre une peinture assez grasse, assez épaisse, et quelque chose de très rupestre dans l'approche. On a un cheval avec des flammes, et on a vraiment une approche qui est très qui ressemble un peu à de la peinture rupestre. Je trouve que c'est plutôt cool. Et musicalement, je suis assez surpris sur cet album, parce qu'on a une approche qui est beaucoup plus moderne, par rapport à ce qu'ils avaient proposé. Alors oui, il y a 14 ans qui se sont écoulés, mais tout de même, ils sont vachement modernisés, je Ceci trouve. Aidant. Ouais, voilà, ça aide. Mais il n'empêche que je trouve que l'approche, quand même, a une grosse évolution très moderne. Et on s'approche tout doucement du post-black dans ses grandes lignes. Et ça aurait été un album qu'on aurait pu entendre sans aucune surprise sur un label comme Les Acteurs de l'Ombre. Donc voilà, assez surpris parce que ce qu'ils avaient proposé avant était beaucoup plus cru, beaucoup plus viscéral, on va dire. En tout cas, plus brut. Et là, ils proposent quelque chose de beaucoup plus travaillé, mais toujours avec une approche extrêmement froide et surtout avec une dimension qu'ils n'avaient pas avant, quelque chose de très narratif qui se déroule. On a un chant qui est en français, évidemment, et qui en fait, on entend toutes les paroles, on comprend vraiment, il y a vraiment une diction qui est très articulée, et c'est extrêmement plaisant, ça permet de profiter des textes qui sont de la poésie noire et absolument oppressante, mais voilà, il y a vraiment une dimension narrative qui est très plaisante, et après, sur l'ensemble de l'œuvre musicale, on a quelque chose de très lancinant, d'oppressant, avec une tristesse profonde extrêmement présente, beaucoup, beaucoup de mélancolie, de nostalgie dans leur travail. Et bah, l'album, tu l'écoutes et tu te fais réellement happer et attraper par ce qu'ils proposent. Voilà, donc une très, très bonne sortie de Miserere Luminis. Je sais que toi, Damien, tu les avais vus en 2020 à Tours. Ben, littéralement, 2 jours avant le premier confinement. Ouais, je crois que ça devait être un lundi soir ou le lendemain, on était bloqués. Une connerie du genre. Et ils avaient bah, du coup annulé le reste de leur tournée franco-européenne. Ouais. À noter que sur scène, ils ont, bah, comme on voit sur les photos promo, hein, des espèces de masques dorés, c'est très, très incantatoire, très, très viscéral. Et en même temps, c'est très lent sur scène au niveau de leur attitude, des mouvements très, très, très théâtraux, mais grands. Très ample dans leur mouvement, ce qui dénote fortement avec leur musique très intense. Voilà, Miserere Luminis. Et puis sur album, on a des arrangements piano, saxophone, etc., qui rajoutent de la dimension. Et à noter que donc, c'est Adam Burke qui signe le visu de, ah bah, tu vois, de même ce pas, nouvel effort studio. Mais voilà, encore du travail à moitié fait seulement. Oui, complètement. Non, mais effectivement, bah, ok, ça explique peut-être pourquoi ça me parle encore. Voilà, une la fois. Grosse croûte de peinture, une espèce de bucéphale enflammé, très classieux. Ouais. Bah, tu vois, j'avais pas fait le lien. Toi, pour le coup, cette pochette-là, elle m'a pas sauté aux yeux. Comme c'était du Adam Burke. Ouais, c'était peut-être moins, impactant, on va dire, par rapport à ce qu'a pu me proposer Adam Burke sur d'autres pochettes. Et du coup, j'ai pas cherché à aller voir le nom de l'artiste. En tout cas, ouais, en concert, j'aurais bien aimé voir, moi, parce que bah, j'étais indisposé ce jour-là. Et j'aurais bien, bien kiffé voir. De souvenir, ils étaient accompagnés par Déléter en même temps, non ? Voilà, ouais. C'était une petite délégation métal noir qui sillonnait l'Europe. Ouais, ouais, bah, j'aurais bien aimé voir cette petite date, surtout vu le contexte où on a eu une absence de concert total pendant un an et demi derrière. Exactement. En tout cas, un album vraiment qualitatif, à écouter bien entendu d'un seul trait, parce que ça n'a aucun intérêt à vraiment écouter ponctuellement. Je pense que là, on vous diffuse des morceaux ici, mais c'est juste des accroches pour pouvoir vous permettre après de vous enquiller l'album directement en entier. Ça fait une belle cinquantaine de minutes, je crois, de souvenirs. Bah, des morceaux de durée variable, ouais. Un titre instrumental. Donc voilà, l'album prend vraiment toute sa dimension, comme tu dis, en l'écoutant d'un seul bloc. Ouais, complètement. Et du coup, on va s'écouter un petit extrait. Le titre, La fêlure des anges, extrait de l'album Ordali, le nouvel effort studio des Québécois de Miserere Luminis. C'est parti. Doublette suivante, violente, venue des US, enfin, continent nord-américain, pour être plus précisément exact. Cryptopsy, tout d'abord. Tiens, c'est un des focus la dernière fois, Cryptopsy. Qui nous balance un... Voilà, c'est ça, hein. On parle en pointillé, qui nous balance un très bon nouvel effort studio As Gomorrah Burns. On en parlait la dernière fois qu'on s'est fait une émission en direct. L'album, il t'attrape au début, il te lâche à la fin, et entre, tu touches plus terre. Il est puissant, il est très bien composé, très bien exécuté. Un vrai bonheur ce nouvel effort studio de Cryptopsy. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris une claque d'ess de cette trempe-là. Et on enchaîne avec une autre formation nord-américaine. Pain of Truth, ce groupe qui fait beaucoup parler de lui, j'ai dire depuis quelques années, en même temps le groupe n'existe que depuis 2020. Pain of Truth, ça va directement chercher le sang de la veine de Terror. Ils viennent de sortir là leur nouvel effort studio et premier effort longue durée, No Throw Blood. C'est 100% américain, il n'y a pas de doute. Voilà, l'album il fait à peine une demi-heure, ça tabasse royal, sans surprise, merci la qualité, une sortie d'Ez Records, on s'écoutera le titre Too Late, et juste avant ça, Cryptopsy, le titre The Writer's Lot, c'est parti. I'm ready to hurt you. C'est parti. Alors on pourrait croire qu'on va attaquer la doublette française, mais non, il n'y a que le label qui est français, les acteurs de l'ombre, puisque à côté de ça, A7 est une formation internationale. On a des icos qui nous viennent de Finlande, de France et d'un peu partout ailleurs. C'est du black inspiré par les rites occultes égyptiens. Et bah voilà, ils sortent leur premier effort studio longue durée, une quarantaine de minutes d'un black, les acteurs de l'ombre. Le groupe s'appelle donc A7. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est déjà disponible depuis la fin du mois de septembre. Le nom de l'album, c'est Astral Rape. Et le titre que l'on va s'écouter, c'est Lord of Illusions, dans la doublette avec A7, Undergang, l'excellent groupe de Gordes venu de Copenhague au Danemark. Nouvel effort studio, c'est un EP qui fait suite à un album qui date déjà un petit peu, hein, 2020. Undergang, c'est toujours la qualité au rendez-vous. Les titres assez courts, hein, l'EP en lui-même fait tout juste 20 minutes. Undergang, voilà, à découvrir de toute urgence si vous ne connaissez pas, une sortie de Dark Descent Records. Der Zwider Vordarf, c'est le nom de ce nouvel EP de Undergang, et on s'écoutera le morceau Foraltne.